en faveur, mais je pense que c'est moyen quand même. Il est signé. Avec les cons qu'il y a là, et ces cons, on va s'en occuper. Laurent Malouda. Bonsoir à toutes et à tous, bien sûr. Alors écoutez, je vais vous dire, je vais commencer par quelque chose d'un peu spécial. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu, comme disait Joe Dassin. Les grands philosophes. Et justement, comme il y a eu un grand philosophe aujourd'hui, Olivier Dacour, qui nous a sorti quand même deux, trois petites phrases du genre « Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras », tout ça, enfin des trucs assez puissants. Et ça m'a fait penser que moi, en me baladant... Non, c'était fort. Hein. C'était pas toi, mais je sais plus que c'était très bien. Et là, je me baladais. Et qu'est-ce que je vois ? Quand je vais à mon kiosque acheter mon L'Équipe comme d'habitude, je vois en grand, dans le hors-série de Philosophie Magazine, en couverture, écrit en énorme, René Girard, le penseur du désir et de la violence. Alors là, je me dis, merde, René Girard ! Est-ce que c'est René Girard qu'on connaît ? Alors, j'ouvre un peu, et puis je me dis, alors, la philosophie, c'est quoi ? Le 4-4-2, le 4-3-3 Alors, je me dis, bon, René Girard, en couverture de Philosophie Magazine, c'est un peu comme si t'avais Jeanne Ressayquier sur la couve de Technicart, tu vois, ou... Ou Jean Fernandez sur FHM, tu vois, en noir et blanc, topless, les mains sur la nuque, serrant les abdos, tu vois. Ou Polo dans Marie-Claire, avec un sujet sur le retour du look camouflage, jogging t-shirt, veste de treillis, bonnet et patogas, le tout dans un chamarré de couleurs aussi entre le noir jet et le brun, en passant par l'anthracite et l'ébène, tu vois. Camouflage fort et noir, ambiance carnaval de Rostock. Donc, non, Philosophie Magazine avec René Girard. Là, je lui dis, attends, là, donc je reviens à René Girard, je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Alors, et on apprend qu'il a écrit quand même plusieurs essais, ce fameux René Girard. Alors, Le bouc émissaire, alors c'est sûrement sur son rapport avec RMC, je sais pas. La violence et le sacré. Alors, ça, c'est peut-être, je sais pas, avec une préface d'Emer Spahitch. Enfin, franchement, c'est très intéressant. Celui par qui le scandale arrive, je dis, c'est pas vrai, c'est le nôtre. Après, la route antique des hommes pervers, un truc sur les arbitres, ou je ne sais pas. Mais enfin, bon, j'ai vu quand même que dans Le bouc émissaire, il s'oppose directement à Freud. Alors, j'ai cherché, ça doit être Freud Antonetti, parce que je vois pas d'autres boucs émissaires dans la Ligue 1. Et puis très vite en lisant, on s'aperçoit que c'est quand même un petit peu trop fouillé pour être notre René Girard. Surtout quand on apprend qu'il est en profond désaccord avec les Vistros. René Girard, le seul problème qu'il a eu avec les Vistros, c'est quand son jean lui allait plus. Hein. Sinon, ça le concerne pas trop. Donc, puis après, il se réclame d'Aristote et Platon. L'autre, Harry Redknapp et Platoche à la limite, mais ça va pas plus loin. Donc, visiblement, c'est pas le même. J'étais très déçu. En plus, là, après, sur le bouquin, il est marqué entretien avec Jean-Pierre Dupuis, Jean-Claude Guillemot, Pierre Pachois, c'est les noms de mecs de Ligue 2, ça m'intéresse. Alors, manquait plus que Franck Quedrul, tough dick de la Ligue 1. Alors, attends. Oui, donc, vous avez parlé, on a eu Jibo qui nous a fait rêver avec Lance Sedan. Ce que j'appellerais le striptease, hein, parce que c'est quand même les deux villes où ils allaient striptease à chaque fois pour avoir des rappels. Striptease, ils avaient toujours des têtes de vainqueurs à Sedan ou à Lens quand ils n'avaient plus la Belgique. Et j'en profite pour dire bonjour à Karim, notre pote de la banlieue belge qu'on a eu tout à l'heure, la wesh ma gueule, il était encore là. T'as vu, hein, l'envers là, comment il s'appelle le joueur, tout nous a parlé là. Wesh ma gueule. La balade, hein. Là, tu lui proposes des vacances au ski, il en avait rien à foutre, il voulait pas rien faire là. Qu'est-ce que j'aille faire au ski là, me bronzer le cul là sur les pistes noires, alors que je peux tranquille regarder des matchs de champion d'Arbel Racing Genk contre la Gantoise. Christophe Dugarry. Alors Christophe Dugarry, mais c'est qui Christophe Dugarry? Il va être président de Bordeaux. Mais non, mais qu'est-ce qu'il croit, l'autre? Il veut dégager Gargamel? Il sait qui c'est, Gargamel? Le mec, ça fait 30 ans qu'il est là. M6, c'est un actionnaire fort qui est prêt à mettre 50 000 francs nouveaux au mercato, avec des possibilités de tickets resto et de places de concert pour Amel Bent. Alors, faut pas nous prendre pour des buses. Et puis, si ça suffit pas, on peut trouver une solution interne. Tu vas voir, ils vont mettre Damido et Marianne Jens en défense. Tu vas voir, c'est ça. Essaye de les passer, les deux, rien que de les contourner, t'en as pour 90 minutes. On a parlé des parrains de la Ligue 1. Alors moi, les parrains de la Ligue 1, je veux bien. C'était quand même, ce week-end, c'était un peu la misère. On était quand même plus proche du Grand Pardon, hein, le remake cheapos de la rue d'Aboukir, mais bon. Le Paris Saint-Germain, quand même, qui faisait un peu de la peine. Ouais. On n'ose même pas y penser. Le remake cheapos de la rue d'Aboukir. On a du mal. Après, on a préparé Pastor à Disneyland. Hein, c'était quand même hyper important. On a appris qu'il voulait pas faire la tour de la terreur. C'est vrai que c'est une chute de 14 étages. Hein, si ça l'intéressait, il aurait signé à Brest. Il nous a fait ça l'an dernier. En plus, pour les 7 nains, il n'en a pas besoin. Lui, avec Tiennet, il a simplet et joyeux. Et avec Ménez, il a grognon et timide. Donc, il n'a pas s'emmerder. Et pendant ce temps-là, il y avait Lucho, qui était à la mer de sable avec toute sa famille. Et tout le monde s'en fout. Il s'est éclaté avec le mur d'escalade, le kaléidoscope de Gérard Majac, mais ça t'intéresse personne. Après, Daniel. Ah ouais, alors attendez. Ah. Daniel sur Antonetti, qui a fait une allusion sur le poids de Fred Antonetti, comme quoi il était trop gros, tout ça. J'ai trouvé ça assez moche. Non. On réécoute le son tout de suite. Non. Est-ce qu'il s'est assez appuyé sur son banc ou est-ce que son banc de toute façon n'est pas assez fort pour qu'il s'appuie dessus? Voilà. Eh ben je trouve que c'est vraiment dégueulasse. Non mais c'est dégueulasse. Qu'est-ce qu'il y a? Il doit prendre quoi? Un banc en métal, en acier trempé, il a un trop gros cul? Mais dis-le! C'est pas possible! On peut pas le rendre trop gros, c'est ça? C'est vraiment pas très sympa. Après on a appris par les drôles de dames que les joueurs en France ils s'arrêtent pas en zone mixte. Eh mais franchement, tu sais quoi? Tu sais pourquoi on s'arrête pas? C'est trop une canarde, tu sais quoi? Les mecs ils disent c'est une zone mixte, y'a pas une fumeuse. Franchement, c'est trop de la carotte, il se fait trop balance. Mets de la biatch, mets de la biatch, on te mixe, là je m'arrête. Franchement, tu vas au hammam, y'a de la fumeuse là, y'en a pas. C'est quoi que c'est mix? Y'a pas de mix. Mais moi je les comprends, ces joueurs. Alors encore. Momo Sissoko, ça va pas mieux. Hein. Momo Sissoko, il me fait peu penser. Excuse-moi, il me fait penser à mon oncle parce que c'est mon oncle quand il va au bistrot, à peine arrivé, il prend un jaune. Bah Momo Sissoko, c'est pareil. Et après on a quelque chose que d'un coup, en général, s'il en prend la deuxième, parce que ça tourne mal. Non mais c'est vrai que Momo Sissoko, au début, il prenait un carton dans le premier quart d'heure. Après, au bout de 10 minutes, maintenant il en prend au bout de 5 minutes. C'est le pire en pire. Mais à mon avis, il peut faire mieux. Il a appris que le record a été détenu par un bouchy nord-irlandais qui joue en amateur dans une équipe de la banlieue de Belfast. Et il a dit je peux relever le défi parce que Momo il est chaud hein. Momo quand il est né il est sorti les deux pieds en avant dans la tronche de la sage-femme. C'est le seul mec qui est né à retardement les deux pieds décollés. Il a fait une césarienne à coups de talon, c'est hyper rare. On pense à toi Momo. Et justement j'ai une chanson une chanson pour lui sur notre une chanson en douce hein, sur lui évidemment. C'est parti. Je marche tranquille sur le joli gazon vert, et là qui me tacle par derrière. Je drippe peinard à l'entrée de la surface, et voilà la jambe qui me terrasse. J'ai mal au tibia, j'ai mal aux chevilles, je vais finir sur des béquilles. Aïe aïe Momo, Momo. Aïe aïe, j'ai croisé Momo Sissoko. Aïe aïe, Momo, Bobo. Aïe aïe, Momo, Bobo. Je voulais faire une roulette à la Zidane. Et Black arrive Jackie Chan. J'ai tenté un crochet à la caca. Et Black arrive Chewbacca. J'ai mal à la hanche, j'ai mal aux genoux. En fait, j'ai un peu mal partout. Aïe aïe, Momo, Momo. Aïe aïe, j'ai croisé Momo Sissoko. Aïe aïe, Momo, Momo. Aïe aïe, Momo, Momo. Merci pour lui. Oh, oh c'est magnifique, c'est des plus belles. C'est des plus belles, Julien. Allez, une dernière. J'ai une dernière sur. C'est la troisième, hein. c'est sur un Lyonnais. Allez, c'est parti. De Gerland à Madrid, championnat ou Champions League, le plus puissant des milieux. Du tout l'allant, en moins lourd, en moins vieux. Ouais. Juste une traite. Sur la tête, un costard de chez Célio, c'est le Lyonnais le plus beau. Même s'il a la tête de Pierre à la fois. Go, go, go, Nalon, et l'aventure continue. Go, go, go, Nalon, toujours gagnant, invaincu. Go, go, go, Nalon, ton ennemi Saint-Étienne est vaincu. Go, go, go, Nalon, des deux pieds il est habile. Go, go, go, Nalon, de Thiago il a le style. Go, go, go, Nalon, de Domenech il a les sourcils. Merci, bonsoir. Bonsoir.